Chapitre 12e, la réplique du misérable. Les fiançailles furent donc annoncées comme le demandait le bon président Duranton. Maître Thirion, à Paris, alla prier le notaire, maître Grémois, de préparer le contrat. Le notaire, à cette demande, fit un bond. Comment ? Madame Madeleine Marnier va se marier. Mais oui, qu'y a-t-il d'étonnant ? Fit maître Thirion. Rien d'étonnant, l'espèce. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'épouse pas son mari. L'avocat se mit à rire. Mais il n'en est jamais autrement. Ce n'est jamais leur mari que les femmes épousent, puisque c'est seulement après le mariage qu'elles ont un mari. C'est juste. C'est juste. Mais je voulais dire que Madame Madeleine Marnier épouse le capitaine Dalmet. Elle en a le droit. Certainement. Cependant, elle était fiancée. Plus que cela, mariée en Angleterre, au comte de Saint-Rion, qui est le père de sa fille. L'avocat ne voulait pas entamer une discussion sur ce point avec le notaire, ni lui donner d'explication. Il le pria seulement de rédiger le contrat de mariage, selon les indications qu'il lui donna. Le notaire était tout bouleversé par cette révélation. « Diable, diable, fit-il, c'est que ça change bien des choses. » En effet, le bon notaire, ayant la certitude de la guérison de Madeleine, et croyant qu'elle ne pourrait manquer de faire légaliser en France son union avec le père de son enfant, avait à diverses reprises fait quelques avances assez fortes, se croyant garanti par la dot de la jeune femme au comte de Saint-Rion. Or, si Madeleine épousait le capitaine, le notaire perdait du coup toutes ses avances. Maître Grimaud était furieux autant que vexé. Heureusement, il connaissait l'adresse du comte de Saint-Rion. L'hiver approchait, le comte se trouvait à Monaco. Il lui expédia un télégramme le rappelant d'urgence à Paris. Le comte s'attendit probablement à apprendre que Paulette était retrouvée, arriva deux jours après. Il courut aussitôt chez le notaire. Maître Grémois, qui n'était pas encore remis de l'émotion que lui avait causée la visite de maître Thirion, dit à brûle-pourpoint au comte « Je vous ai fait venir pour vous annoncer que votre femme se marie. Eh, comment ? » s'écria le comte avec le capitaine Dalmet. Le misérable s'était vivement repris. Très calme maintenant, souriant, il dit au notaire « Ce n'était vraiment pas la peine de me faire venir de si loin pour m'annoncer cela. » Le notaire, abasourdi, le regardait. « Oui, fit le comte, c'est un bruit qu'on fait courir. »« Comment, un bruit ? Mais j'ai mission de préparer le contrat. »« C'est maître Thirion qui vous a chargé de cela. Maître Thirion est un conseil qui veut faire du zèle. Mais il se trompe une fois encore. » Le comte déclara froidement. « Si Madeleine Marnier se marie, ce sera avec moi. C'est ce que je disais. » Le comte se rendit après cette entrevue chez un avoué que lui indiqua le notaire. L'avoué convoqua pour le surlendemain à son cabinet maître Thirion et le capitaine Dalmet. Ils s'y rencontrèrent avec le comte et maître Grémois. « Ah, pensa le jeune avocat. La guerre est déclarée. Bon, ça va bien. C'est tout ce que je voulais. » Mais le clouteau Zigomar était retors et habile. Il avait la finesse du renard et la férocité féline du tigre. Ses mesures étaient admirablement prises. Connaissant ses ennemis, il savait où frapper pour que ses coups portassent fortement. D'ailleurs, s'il jouait, en ce moment, son batou, il se trouvait dans cette situation spéciale qu'il lui était impossible de faire autrement. Il ne pouvait en effet logiquement laisser annoncer les fiançailles de Madeleine sans élever la voix, sans protester, sans se montrer. Hardiment donc, avec cette audace qu'ont les coquins, il prit la parole en premier et déclara « Messieurs, j'étais au loin, et cependant, à mes oreilles est arrivé un bruit tellement surprenant, inattendu et incompréhensible, que je suis venu à Paris. Ainsi donc, on a annoncé les fiançailles de Madeleine Marnier avec le capitaine Dalmet. Voyons, messieurs, vous, maître Thirion, conseil de Madeleine, vous, mon capitaine, rassurez-moi, dites-moi que cela n'est pas, que cela ne peut pas être. Je vous demande pardon, monsieur, dit maître Thirion. Cette nouvelle n'est nullement un faux bruit. C'est l'exacte vérité. Madame Madeleine Marnier est fiancée au capitaine Dalmet et le mariage se fera très prochainement. Le comte simplement mais énergiquement déclara « Ce mariage ne se fera pas, messieurs. Pour quelle raison ? Parce qu'il est impossible qu'il se fasse sans bafouer toutes les lois de l'honneur autant que les droits de la morale. » L'avocat frémit. « Monsieur, dit-il, je suis l'avocat et le conseiller de Madeleine Marnier, l'ami du capitaine. Ce mariage est un peu mon œuvre. Vos paroles sont blessantes à mon égard. » Très calme, le comte répondit « J'ignorais, mon cher maître, que vous fussiez l'artisan de ce mariage. Mes paroles, donc, ne vous peuvent blesser en aucune façon. » Il salua très dignement et ajouta « D'ailleurs, nous sommes ici entre hommes de loi, entre hommes d'honneur. Nous allons engager un débat courtois, et rien de ce qui se dira ici ne se répercutera au dehors, car ce n'est pas seulement l'honneur d'un galant homme qui est en jeu, mais la réputation d'une femme, et c'est chose absolument sacrée. » Le comte, posément, après un court silence, reprit « Je sais que Madeleine éprouve pour son vaillant sauveur, à qui je dois moi-même une reconnaissance éternelle, une très forte sympathie, qu'elle lui avouait une affection sincère et très profonde. Je sais aussi, messieurs, que la beauté, le charme de Madeleine font que tous ceux qui l'approchent en deviennent épris. Le vaillant capitaine, placé auprès d'elle dans des conditions au surplus toutes spéciales, n'y a pas échappé. Mais, messieurs, le capitaine Dalmay est un parfait honnête homme. Je lui ai donné la marque d'estime la plus grande et la preuve de confiance la plus forte qui se puisse être, en autorisant à demeurer chez lui, dans la maison de son père, ce digne et loyal M. Dalmay, celle qui doit être ma femme, celle qui est la mère de mon enfant. » Le comte reprit. Or voici que j'apprends que l'on m'a fait épouser Madeleine par le capitaine Dalmay. Je m'oppose formellement, hautement, à ce mariage, et je viens démontrer qu'il ne peut se faire. Je viens prier le capitaine de ne pas pousser plus loin les choses. Il est temps encore d'éviter un scandale, dont la réputation de Madeleine et l'honneur du capitaine seraient éclaboussés inutilement, douloureusement. Madeleine, interrompit l'avocat, aime de tout son cœur, de toute son âme, le capitaine Dalmay. Nous n'avons fait aucune pression sur elle pour l'amener à consentir à devenir la femme du capitaine. Maître Grimois, qui a vu souvent Madeleine dans son cabinet, peut dire qu'elle agit de son plein gré, sans aucune contrainte, de sa propre volonté. Le notaire inclina la tête en signe d'assentiment. Donc, c'est son cœur qui parle librement, clairement. Elle veut être la femme du capitaine Dalmay parce qu'elle l'aime. Claude Tosigomar, en souriant, demanda à l'avocat. « Et moi, vous ? Oui. Quels sont les sentiments de Madeleine à mon égard ? Eh bien, Madeleine ne vous aime pas. Elle vous l'a dit parfaitement. Donc, vous admettez que Madeleine a pu ainsi oublier celui qu'elle a aimé. Celui qu'elle aima assez pour se donner à lui, pour devenir sa maîtresse avant d'être sa femme. Elle a pu oublier son mari, le père de son enfant. Vous admettez cela ? Mais, répliqua l'avocat nerveusement, Madeleine n'a peut-être pas cessé d'aimer celui qui fut en fait le père de son enfant, Armand, le premier Armand de Saint-Rion. C'est juste. Quant à vous, monsieur, elle refuse de reconnaître en vous l'Armand qu'elle aima. Elle ne vous reconnaît pas et déclare que vous n'êtes plus, que vous n'êtes pas, Armand, comte de Saint-Rion. » Le coup était terrible. L'avocat le lança fortement, tout droit. Mais ce coup qui devait écraser Clouteau s'arrêta devant le calme, le sourire du misérable. Zigomar ne sourcilla pas, ne broncha pas. Très doucement, il répondit « Et cependant, je suis bien, Armand de Saint-Rion. Vous avez dû le reconnaître. Monsieur Duranton l'a reconnu. En Amérique, mes collaborateurs, hommes de science, gens positifs, l'ont reconnu aussi. Le tribunal l'a proclamé. Aucun doute n'est possible. Je suis l'Armand de Saint-Rion d'autrefois, ayant seulement subi le changement qu'apporte chez un homme tant d'années de peine et de souffrance morale. » Puis, le comte de Saint-Rion ajouta « Si Madeleine seule ne me reconnaît pas, c'est que son intelligence ne peut comprendre qu'un homme comme moi ait pu changer avec l'âge, sous le chagrin. C'est, messieurs, que sa raison n'est pas revenue, c'est qu'elle n'est pas encore guérie. » Maître Thirion voulut répliquer, mais Zigomar lui coupa la parole. « Non, messieurs, non, Madeleine n'est pas guérie. J'ai eu comme vous cette illusion, il y a 5 mois, après le rapport du docteur Lobel. Je me suis rendu au Ravenel pour constater ce bonheur, pour reprendre ma femme et l'emmener avec moi à la recherche de notre enfant. M. Duranton était avec nous. Le commissaire de police de Mantes nous accompagnait et vous-même, Maître Thirion, vous étiez là. Eh bien, messieurs, Madeleine agit avec moi comme au premier jour. Elle donna des signes manifestes de sa démence. Messieurs, voici le procès-verbal qui en fait foi. » Zigomar désigna le procès-verbal qui se trouvait entre les mains de l'avoué. C'était une réponse accablante aux déclarations de Maître Thirion, du docteur Lobel. Elle détruisait toutes leurs assertions, toutes leurs espérances. Le misérable ajouta « Il n'est pas possible, messieurs, que Madeleine, folle depuis près de 8 ans, folle encore il y a 5 mois, date de ce procès-verbal, soit aujourd'hui assez complètement guérie pour qu'un autre que moi puisse l'épouser. » Zigomar, sentant la force de son argumentation, basée sur des preuves, poursuivit. Dans ces conditions, vouloir pousser Madeleine au mariage est impossible. Persister dans ce dessein, c'est commettre une mauvaise action dont le capitaine Dalmet ne peut pas se rendre coupable. Et je fais appel à sa conscience, à son honneur de soldat. Le capitaine très pâle se leva. Messieurs, c'est en tout honneur et avec toute ma loyauté de soldat que j'envisageais le bonheur d'être le mari de Madeleine. Et c'est parce que Madeleine m'a ouvert son cœur que je voyais dans ce mariage la consécration de nos sentiments, l'union définitive de nos deux âmes. Assurément, s'écria le comte, je le sais bien, nous le savons tous. Capitaine, vous êtes le plus noble, le plus aimant, le plus loyal des hommes, mais tout le monde ne pensera pas de même en apprenant votre mariage. Je défie qu'on pense autrement. Pourrez-vous empêcher la calomnie de naître? On vous fera un reproche d'épouser une folle. On vous accusera d'avoir commis cette infamie parce que Madeleine est riche. Et vous aurez beau dire, vous serez déshonoré. Jacques, à ces mots perfides, d'une portée redoutable, se sentit pâlir. Il chancela comme s'il venait de ressentir un choc terrible. Ses paroles habiles avaient déchiré un voile devant ses yeux. Il lui avait montré cette affaire sous un jour qu'il ne connaissait pas. Lui, honnête homme, la question d'argent apparaissait odieuse, vile. Jacques était comme écrasé sous cette révélation. « Mon Dieu » murmura-t-il en s'approchant de Maître Thirion. « Quel malheur !» Alors le souvenir du père Gervais se présenta tout à coup à son esprit. Il entendit les paroles que le braconnier avait prononcées quand il vint au Ravenel, le jour où l'on fêtait le retour du capitaine. « Jacques !» Rappelle-toi qu'il est des hommes dont la présence est comme la vase qui engloutit ceux qui l'approchent, dont la langue est pleine de venin, comme la dent des vipères. Rappelle-toi qu'il est des hommes dont l'âme est plus perfide que le pied jaloux. Mais l'avocat, tout vibrant, répliqua. Le capitaine Dalmet est au-dessus de toute malveillante supposition. Il a tel passé de courage et d'honneur qu'on ne peut rien contre lui. Eh, soupira Zigomar, la calomnie est justement la seule arme qui puisse atteindre les hommes comme le capitaine Dalmet. Il voulut compléter sa victoire, qu'il sentait certaine à présent. D'ailleurs, messieurs, en admettant qu'au mépris de ce papier, de ce témoignage, le capitaine Dalmet, oubliant dans son amour que Madeleine est folle, devienne son époux, fera-t-il que je ne sois pas le père de mon enfant? Pourra-t-il, le jour où nous retrouvons Paulette, nous empêcher, Madeleine et moi, de nous rejoindre, de nous rencontrer auprès de notre fille, et revenant au temps passé, dont le souvenir peut refleurir, de ne plus vouloir nous séparer, pour chérir ensemble notre enfant. Quelle situation pour lui! Bien plus, Paulette est héritière d'une grosse fortune, et la marraine, qui m'estimait, m'a confié la gestion de cette fortune. Le mariage de Madeleine, dit l'avocat, ferait attribution de cette administration au mari. Non, le texte du testament est formel. C'est au comte de Saint-Rion, à moi, père de l'enfant, mari de la mère, à moi, que cette gestion est confiée. Clouteau lut dans les yeux de l'avocat la réplique. Il s'empressa de la devancer. Me faire dépouiller de cette administration comme indigne, s'écria-t-il en souriant. Vous pensez à cela, mais ce n'est pas réalisable. J'ai des dettes, c'est possible, mais je ne dilapide aucun bien. Je mène la vie des gens de mon rang. Si je cherche dans les plaisirs l'oubli de mes chagrins, cette existence, répréhensible peut-être, finira avec mes chagrins. Et l'argent que je dépense, je l'ai gagné, et je puis en dépenser encore plus. Donc vous ne pourriez m'enlever l'administration des biens de ma fille. Et comme je ne consentirai pas à abandonner ma Paulette, Madeleine sera forcée de venir avec moi ou de m'intenter un procès auquel le capitaine n'aura encore rien à gagner. Alors il conclut. Voilà, messieurs, pourquoi je vous ai prié de venir chez mon avoué. Il fallait s'entendre. Le mieux, voyez-vous, est de laisser les choses dans l'état actuel. Attendons que Madeleine soit revenue tout à fait à la raison. Elle pourra prononcer alors en toute conscience, et nous nous inclinerons devant son arrêt. Attendons que Paulette soit retrouvée. Il salua. Le capitaine entraîna l'avocat qui frémissait. Venez, venez, il vaut mieux que nous nous en allions. Dans l'escalier, il dit. Le misérable, j'ai fait tous mes efforts pour ne pas lui sauter à la gorge. Moi, dit l'avocat, j'ai tout bonnement envie de lui brûler la cervelle comme un chien. L'infâme, le misérable, il a brisé ma vie. Pauvre Madeleine, comment lui apprendre ?